qu'elles sont heureuses, celles que le lien sacré du mariage a conduites doucement de l'amour à l'amitié, sans qu'un moment cruel ait déchiré leur vie. Madame de Staël. 9. Berthe, la pauvre Berthe, passa une nuit affreuse. « C'est de l'antipathie qu'il ressent pour moi » répétait-elle en pleurant. « Pour moi, qu'il aime tant !» Et ce mot, « antipathie », lui revenait comme un remords. Il était de plomb pour elle. Il l'étouffait. Quand il fit jour, elle se leva. Mille projets lui venaient à l'esprit, et elle ne s'arrêtait à aucun. Elle était effrayée elle-même de la rapidité avec laquelle ils se succédaient, et tous l'accablaient. Car dans tous, elle voyait ce mot terrible, « antipathie ». Dans tous, elle lisait « abandon, néant ». Debout contre la cheminée, appuyée sur ses deux coudes, sa tête entre ses deux mains, elle pleurait, elle sanglotait. Tout à coup, elle s'écria « Mon Dieu, mais je suis donc bien laide !» Et ouvrant ses mains, ses yeux se portèrent avec avidité sur la glace. Elle vit derrière elle, contre son épaule, une tête ravissante. C'était celle d'Alphée. Berthe poussa un cri, et ce fut presque avec horreur qu'elle étendit les bras vers Alphée. « Éloignez-vous, éloignez-vous » lui cria-t-elle, dans un état impossible à décrire. « Éloignez-vous, votre vue me fait mal !»« Berthe, qu'avez-vous ? » dit Alphée, étonnée. « Tu me demandes ce que j'ai !» répondit Berthe, dont la raison s'égarait. « Viens, regarde !» Et poussant Alphée contre la glace, elle ajouta « Vois ta belle et charmante figure, vois mon visage flétri, mes traits affreux, vois tes traits enchanteurs à toi, et par pitié, éloigne-toi, rends-moi mon mari que j'aime, et qui t'aime toi comme je l'aime moi. Alphée, Alphée, ta beauté me tue !»« Berthe, mais vous déraisonnez, je ne vous comprends pas. » « Écoute, j'ai tout entendu hier au soir. Tu sais, dans la baignoire de l'avant-scène, quand tu as dit « Eugène, on nous écoute, nous ne sommes pas seuls. » Eh bien, c'était moi, qui t'écoutais, moi qui mourais des paroles d'amour qu'Eugène te disait, moi qui ai entendu ce mot affreux, antipathie. « Malheureuse !» s'écria Alphée, se laissant aller sur un fauteuil placé derrière elle. « Malheureuse, toi ?» Non, mais moi, malheureuse, toi, il t'aime, moi, il m'abhorre. Alphée, mais dis-moi donc, je suis donc bien laide, bien horrible, bien difforme, pour être abhorrée ainsi par Eugène. Oh, va-t'en, par pitié, va-t'en, qui sait, quand il ne te verra plus, toi, si belle, que moi qui suis sa femme, ta rivale, que moi qui te déteste, je suis encore obligée de t'admirer. Alors, peut-être qu'alors il m'aimera. Mais non, c'est impossible. Mon Dieu, est-il donc impossible de m'aimer? Tu ne me réponds pas, Alphée. Tu ne l'oses. Oh, par pitié, dis-moi donc, si tout espoir m'est ravi, Alphée, rends-moi mon mari, mon Eugène. Je te le demande, à deux genoux. Et la pauvre Berthe s'y mit en effet. Que faites-vous, Berthe, grand Dieu, relevez-vous? « Non, Alphée, non, je ne quitterai pas cette place sans que tu m'aies promis de m'accorder ma demande. »« Parlez, parlez, qu'exigez-vous, Berthe? Ma vie, mon bonheur, vous êtes en droit de me tout demander. »« Aussi, c'est ta vie, c'est ton bonheur que je vais te demander, Alphée. C'est de quitter cette maison, c'est de ne plus revoir Eugène. » Alphée cacha son visage dans ses mains sans répondre. « C'est trop fort, c'est trop pénible. » Tu ne le veux pas, n'est-ce pas? Si, si, Berthe, je ferai ce que vous désirez. Sois bénie, mon Alphée, pour ta condescendance à mes désirs, que tu es bonne. Ah, si je pouvais t'aimer, je t'aimerais. Vous me haïssez donc, Berthe? Oui, je te hais, non parce que tu es belle, mais parce que Eugène t'aime. Je te hais parce que tu aimes Eugène et qu'il le sait. Je te hais. Parce que tu es bonne, parce que tu n'as aucun défaut qui puisse te faire haïr. Je te hais, je m'en veux de te haïr, mais je ne puis faire autrement. Alors adieu, Berthe, dit Alphée, se levant en chancelant. Dans ce moment, la porte de la chambre s'ouvrit, Eugène parut. Il s'avança vers sa femme, mais son premier, son seul regard avait été pour Alphée. Sa pâleur le fit pâlir. Il ne s'aperçut pas que le visage de Berthe était baigné de larmes. « Berthe, lui dit-il, vous avez quitté le bal de bien bonne heure hier. Nous vous avons cherché après la valse. Vous étiez déjà partie. »« Je n'étais pas bien. » »« Vous avez un air souffrant, » demanda Eugène à Alphée, sans écouter la réponse de sa femme. « Oui, » et Alphée se retint, tremblante, au dossier du fauteuil. « Oui, je venais faire mes adieux à Berthe. » Eugène fit un mouvement qu'il réprima de suite, puis froidement, mais la voix altérée, il répliqua. « Vous partez ?»« Aujourd'hui. » »« Pour chez vous, les réparations que vous faites faire à votre château ne sont pas encore finies. »« N'importe, il faut que je quitte Paris. » »« Pourquoi ? Qui vous y force ?» Berthe regarda Alphée, qui baissa les yeux sans répondre. « Restez encore quelque temps avec nous, Alphée, vous le pouvez !» Il pesa sur ce mot, mais son air froidement poli, dans lequel toutefois perçait une émotion profonde, son air fit tressaillir les deux femmes. Elles avaient compris toutes deux que c'était lui qui comptait s'éloigner. Berthe prit la parole avec vivacité. « Alphée, si vous voulez aller chez moi à Montmorency, en attendant que votre château soit réparé, je vous offre le mien de bon cœur. »« Je l'accepte, » dit Alphée. « Je vous y accompagnerai, » ajouta Berthe. Et Alphée sortit pour aller faire ses préparatifs de départ.